Tu as raison, tu aurais dû terminer tes vacances tout seul. J'aurais pu, tu sais. Monsieur Juilliard m'a invité à rester dans sa ferme aussi longtemps que je voulais. Tu peux toujours y retourner, si tu ne te plais pas en notre compagnie. C'est peut-être moi qui vous dérange. Allons, allons. Vous n'allez pas encore vous disputer tous les deux. Pas un jour de fête. Tiens, on dirait que c'est Marie-Claire là-bas. Oui, c'est elle. Je vais lui dire bonjour. Au revoir. Ouf, tant mieux. Mais il va se perdre dans cette foule. Jamais il ne pourra nous retrouver. Tant pis, il retrouvera bien le chemin de l'hôtel. C'est curieux. Plus il grandit, plus il devient insupportable. Nous serons bien tranquilles sans lui.